Au rang des modèles scientifiques les plus robustes, on peut citer sans trop sourciller celui du Big Bang, proposé dès 1927 par l'abbé Georges Lemaître, confirmé quelques années plus tard par Edwin Hubble. Il postule que l'univers était par le passé plus dense, plus chaud, jusqu'à remonter à une singularité initiale. Oui, mais voilà, pour que ce modèle tienne, il a fallu lui adjoindre au fil des années un certain nombre de concepts, comme celui de l'inflation, de la matière ou de l'énergie noire, qui, eux, sont pour le moment aussi spéculatifs qu'ils sont nécessaires à ce que le Big Bang soit cohérent. Et si la physique faisait fausse route, et si le Big Bang empêchait de penser autrement l'origine de l'univers? Big Bang, ça tangue, c'est le programme dubitatif qu'il note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour questionner les apories de ce modèle jugé pourtant si robuste, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marc Bonnet-Bidot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA et nous sommes en ligne avec Thomas Lepelletier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en astrophysique, chercheur indépendant en histoire et philosophie des sciences et en éthique animale. Vous publiez tous les deux un petit essai tout à fait passionnant, Big Bang, histoire critique d'une idée, c'est chez Folio Essai. Mais on commence comme chaque jour par un tour de l'actualité robuste de la science et de la recherche. C'est avec Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec deux études, l'une du Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, l'autre dans The Astrophysical Journal. Nous aurions peut-être découvert la galaxie la plus lointaine. Oui, la galaxie HD1, qui serait l'objet le plus lointain jamais observé. Une équipe internationale a combiné les observations de trois télescopes, le VLT et ALMA, au Chili, et Spitzer, qui est dans l'espace. Les chercheurs ont identifié cette galaxie qui serait à un redshift de 13,3, ce qui correspond à un âge de l'univers de 320 millions d'années. C'est 100 millions d'années avant l'ancienne galaxie la plus lointaine détectée, qui s'appelle GNZ11. Alors, d'autres observations sont encore nécessaires pour confirmer cette distance. Ce qui est curieux avec HD1, c'est qu'elle forme 110 fois plus d'étoiles que la Voie lactée, mais qu'elle est 10 à 100 fois plus petite que la Voie lactée. Donc elle est typique de ce qu'on attend de ces toutes premières galaxies. C'est une pouponnière d'étoiles au tout début de l'univers. Mais ce qui pose question, c'est sa luminosité. Elle est beaucoup plus brillante que toutes les autres galaxies qu'on connaissait au début de l'univers. Nicolas Laporte est astrophysicien au Kavli Institute for Cosmology à l'Université de Cambridge. Il y a deux hypothèses pour expliquer un objet très brillant au début de l'univers. La première hypothèse, c'est de dire que peut-être cette galaxie, elle a un trou noir qui est en train d'accréter de la matière. C'est un trou noir supermassif, ce qu'on appelle un AGN. Mais là, ça pose question, parce que comment est-ce qu'on peut former un trou noir dans un objet qui émet, que l'on observe, tel qu'il était 300 millions d'années après le Big Bang? On pense qu'on n'a pas suffisamment de temps là pour former un trou noir. Donc ça, c'est la première hypothèse, mais elle pose quand même question. La deuxième, ce serait de dire que cette galaxie, finalement, elle s'est formée beaucoup plus tôt que ce que l'on pense dans l'histoire de l'univers. Les modèles actuels nous disent que les premières galaxies, elles ont dû se former entre 300 et 200 millions d'années après le Big Bang. Imaginons que cette galaxie soit formée 100 millions d'années après le Big Bang, et bien elle a eu du temps pour former beaucoup plus d'étoiles, et c'est pour ça qu'elle pourrait être très brillante. Mais dans les deux cas, en fait, cette galaxie, elle est intéressante parce qu'elle challenge en quelque sorte les modèles actuels de formation, ou les modèles de formation des trous noirs, ou les modèles de formation des premières galaxies. La distance, si vous voulez, de cette galaxie, on l'a avec une raie en émission, la raie d'oxygène, qu'on a détectée avec ALMA. Alors ça, c'est pas suffisant. Nous, ce qu'on aime bien pour être sûr de la distance, c'est avoir plusieurs raies en émission, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, par exemple. Et pour cela, on va avoir besoin du James Webb, donc des observations du prochain James Webb Space Telescope. Et le James Webb, il va aller chercher justement ces raies d'hydrogène, la fameuse raie Lyman Alpha, qui, dans une galaxie au tout début de sa vie, doit être très brillante, et puis d'autres raies, la raie du carbone, etc. Et si, par exemple, on veut aller tester l'hypothèse de ce trou noir très massif, on va aller chercher des raies de l'azote, puisque les raies d'azote sont des signatures, en quelque sorte, de la présence d'un trou noir dans ces galaxies. Il faut bien admettre qu'au cours de la dernière décennie, on a sans cesse repoussé l'âge de formation des premières galaxies, ce qu'on appelle l'aube cosmique. On l'a sans cesse repoussé. Et là, aujourd'hui, on a un papier qui nous dit, mais peut-être que l'aube cosmique, finalement, la formation de ces toutes premières galaxies, eh bien, c'est beaucoup plus tôt que ce que l'on pensait. Donc, cet objet est intéressant. J'attends avec impatience les observations du James Webb, qui devrait nous en dire un peu plus. Est-ce qu'il faut qu'on change nos modèles de formation des premières galaxies ou au contraire, ce qui serait extrêmement intéressant aussi, c'est est-ce qu'il faut qu'on retravaille un peu plus sur la formation des trous noirs? Parce que finalement, on pense qu'il faut plusieurs centaines de millions d'années pour former un trou noir. Si on se rend compte que dans cette galaxie, il y a un trou noir 300 millions d'années après le Big Bang, bah c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'on peut former un trou noir extrêmement rapidement au début de l'univers. Et si vous voulez tout savoir sur ces toutes premières galaxies, comme chaque jour, eh bien nous avons posté les liens vers les deux études évoquées dans le Journal des Sciences par Natacha sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon l'AFP, le scandale sanitaire et environnemental du chlordécone aux Antilles risque d'être classé sans suite. Les juges d'instruction chargés de l'enquête ont annoncé leur intention de clôturer le dossier sans prononcer de mise en examen. Pas de mise en examen, pas de procès. L'affaire s'orienterait donc vers un non-lieu. La grande majorité des faits, dénoncés depuis 2006, seraient déjà prescrites. Si les faits en remontent à 1993, où ce pesticide hautement toxique a été massivement utilisé en Martinique et en Guadeloupe. Aujourd'hui, 9 Antillais sur 10 portent les séquelles du chlordécone. Les deux îles présentent les taux d'incidence du cancer de la prostate les plus élevés au monde. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, désormais 99% de la population mondiale serait touchée par la pollution de l'air. Les experts de l'OMS ont analysé... ont analysé les données sur la pollution atmosphérique qui proviennent de 6000 villes, 217 pays. Alors aujourd'hui, tout le monde, ou presque, respire un air pollué. Aucun pays, aucune grande ville ne respecte les directives de sécurité de l'OMS en matière de qualité de l'air et de particules fines. Le rapport recommande un abandon des combustibles fossiles qui produisent les émissions les plus nocives pour la santé. En d'autres mots, les solutions pour mettre fin à ce fléau sont les mêmes que celles pour lutter contre le réchauffement climatique. Et pour finir, une étude parue dans la revue Science of the Total Environment. Pour la première fois, nous avons retrouvé des microplastiques dans des poumons. Oui, dans des poumons d'humains vivants. Il y a 2 semaines, nous découvrons que des particules de microplastiques coulent dans nos veines. Aujourd'hui, voici la preuve que nous pouvons en inhaler. Des chercheurs britanniques ont analysé 13 échantillons de tissus pulmonaires de personnes en bonne santé. Tous les échantillons contenaient des particules de polymères, des fibres de polypropylène et de polyéthylène que l'on utilise pour les sacs plastiques ou pour les vêtements. De minuscules particules en faible quantité mais qui logeaient au plus profond des voies respiratoires. D'autres études sont nécessaires pour évaluer l'impact sanitaire de la présence de ce plastique dans nos organes. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le journal des sciences et de la science-fiction. Et si le plus robuste des modèles cosmologiques était plus fragile qu'il n'y paraît? Et si à vouloir le consolider à tout prix, l'astrophysique avait accepté tacitement des concepts inacceptables? Est-il, par exemple, normal que pour que l'univers corresponde à ce que nous observons, il faille ajouter dans les tout premiers instants de l'univers une phase d'inflation spectaculaire qui échappe encore à l'entendement? Est-il normal que les conditions pour que ce modèle fonctionne soient que plus de 95% de la nature de l'univers soit constituée d'hypothétiques matières et énergie noire dont la véritable nature nous reste obstinément inconnue. Et à propos de cette mystérieuse matière noire, écoutez notre archive du jour, c'est l'astrophysicien Hervé Haussel au micro de France Inter en 2007. Environ 25% de la masse de l'univers est sous une forme que l'on ne sait pas expliquer. Les étoiles ont une masse. Le gaz dans les galaxies a une masse, donc on peut faire la somme de ce que l'on observe, ce qu'on appelle la matière visible. Et puis on a d'autres méthodes pour estimer la masse, et on s'aperçoit qu'on mesure une masse qui est beaucoup plus importante que celle que l'on peut comptabiliser quand on compte les étoiles, les galaxies, etc. Pour prendre une analogie, vous êtes dans une pièce, vous voyez des personnes dans cette pièce, et puis il y a 25 autres personnes que vous pouvez entendre parler, mais ce sont des hommes invisibles, vous ne les voyez pas. Et pour la première fois, donc, on a effectué une cartographie de la masse. On a suffisamment de sensibilité pour détecter les connexions entre les amas de galaxies. Et de s'apercevoir qu'il y a effectivement des vides, mais qu'il y a aussi des connexions entre ces amas et que la matière se trouve principalement là. Et cette matière noire est au même endroit que la matière visible. Ça nous permet de comprendre comment on passe du Big Bang à l'univers que l'on observe de nos jours autour de nous. Voilà, Hervé Haussel, ce qui nous amène du coup à poser cette question. Et si ce fameux Big Bang était en fait une impasse de la pensée astrophysique? C'est l'hypothèse audacieuse, vous en conviendrez, que font nos deux invités du jour, Jean-Marc Baudet-Bideau et Thomas Pelletier, dans leur livre Big Bang, histoire critique d'une idée chez Folio Essai. Et pour commencer, messieurs, et je pense que c'est important de le préciser, il y a un avertissement qui débute ce livre. Vous stipulez noir sur blanc, ceci Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, nous tenons à préciser que nous ne nous opposons pas au modèle du Big Bang. Nous n'en sommes pas des adversaires et nous n'avons rien d'autre à proposer. Ce modèle est sans aucun doute une étape importante de notre compréhension de l'univers, mais c'est dans une visée pédagogique que nous tentons d'en mettre en lumière les points faibles, Jean-Marc Bodemido. Oui, c'est exactement l'objectif que nous avons eu, parce qu'on a été frappé de la façon dont ce modèle est en général présenté par les scientifiques eux-mêmes, d'ailleurs au grand public, ce qui en fausse totalement la nature. C'est-à-dire, on est aujourd'hui dans une explication où on vous donne très exactement l'âge de l'univers, comme si c'était gravé dans le marbre, et nous avons constaté que dans les débats scientifiques actuels, au sein des scientifiques eux-mêmes, dans les coulisses de la science, d'une certaine façon, les conflits sont beaucoup plus importants, et les discussions sont graves, d'une certaine façon, parce qu'on semble s'approcher d'une espèce d'impasse dans ce modèle qui nous a servi depuis longtemps pour décrire l'univers. Thomas Lepelletier, l'intention de ce livre, c'est effectivement de montrer que ce modèle qui est pour l'heure le seul solide dont nous disposions a tout de même des apories et qu'il peut être donc critiqué par justement certains de ses points faibles et qui sont effectivement, comme on va le voir aujourd'hui, des points faibles qui sont totalement et absolument partagés par l'ensemble de la communauté astrophysique. Oui, c'est tout à fait ça. Et comme le remarquait Jean-Marc, les discussions et les débats sont déjà internes à la communauté scientifique. C'est pas nous qui, de l'extérieur, venons critiquer le modèle du Big Bang. Nous, on se contente de mettre en avant ces tensions et ces débats, et on trouve que c'est effectivement une présentation, je dirais, plus stimulante de l'état de la cosmologie, plutôt que de présenter un modèle qui marcherait parfaitement et puis on parlerait qu'à la marge de petites tensions. Nous, on s'est dit que c'était plus intéressant de mettre en avant les pour montrer un petit peu la situation. Ça donnait un autre regard, je pense, sur ce qu'est le modèle du Big Bang aujourd'hui. Voilà, l'idée n'est donc pas de dire que le Big Bang est faux, mais que pour le moment, il y a tout de même un certain nombre de problèmes dans l'intégralité de ce modèle et dans un certain nombre d'ajouts qui lui sont faits que l'on va examiner. Peut-être qu'on peut d'ailleurs commencer simplement par rappeler un peu ce qu'est et d'où vient ce modèle, comment il a été postulé et comment il a été complété et qu'il s'est construit au fur et à mesure des années, Jean-Marc Bonnebido. Bien sûr, l'origine donc de la cosmologie moderne tient dans les équations d'Einstein, qui effectivement, dans sa relativité générale, a fait imaginer que la matière interagissait avec l'espace. Et cette constatation a été confirmée par la suite par la mesure de ce qu'on appelle l'expansion des galaxies. En 1929, on a prouvé que les galaxies, qui sont des entités de matière dans l'espace, s'éloignent les unes des autres. Et il fallait donc rendre compte de cette expansion. Et le premier qui l'a fait, néanmoins, n'est pas Georges Lemaître, comme vous le signaliez au début, mais Alexandre Friedman, qui était un Russe à Petrograd à l'époque, qui a même montré à Einstein qu'il s'était trompé dans ses équations puisqu'il avait rajouté une constante pour que l'univers reste statique. Et donc ce Russe Alexandre Friedman a démontré pour la première fois qu'il y avait un état dynamique de l'univers normalement prédit par les équations d'Einstein. C'est le départ, et ensuite l'observation de Edwin Hubble, qui lui, au télescope, en 1925, c'était Friedman qui avait démontré son papier, en 1929, on mesure réellement l'expansion, et du coup, c'est Eureka, en fait, ça correspond, quoi. Et de là est née l'idée du Big Bang, qui n'était pas encore appelé Big Bang. Hein, qui est appelé Big Bang beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, et aujourd'hui, alors c'est assez amusant, puisque le 7 avril 1949, on trouve la première trace imprimée du mot Big Bang, prononcée par un astrophysicien anglais qui s'appelait Fred Hoyle, qui à l'époque était un adversaire de cette image-là, et qui l'a laissé. Et j'insiste sur le fait que beaucoup de mes collègues pensent que c'est par dérision qu'il a appris cette notion Big Bang. Non, non. Pour lui, c'était très sérieux. Il en a donné une image très, très vivante qu'on a conservée, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, 7 avril 2022. On parle encore du Big Bang. Oui. Alors, peut-être tout de même aussi un mot tout de même, parce que on lit souvent à tort, et vous avez eu raison de me corriger, Jean-Marc Bonnebido, mais les premières briques, ou en tout cas les premières conceptions de cette expansion de l'univers à Georges Lemaître, qui a tout de même eu son rôle à jouer finalement dans l'établissement de cette théorie. Oui, bien sûr, il en a été un fervent défenseur. Ensuite, par la suite, on a eu une petite ambiguïté, parce que effectivement il était un homme d'église, et du coup ça a teinté tout de suite cette image de création de l'univers, parce que derrière le Big Bang, tout le monde pense création de l'univers, hein, c'est naturel. Et donc, comme il a porté cette idée, il y a eu une certaine ambiguïté. Mais c'était certainement un scientifique qui en a popularisé l'image et qui a travaillé sur un certain nombre de ses conséquences. Il faut préciser, Thomas Le Pelletier, que ce modèle du Big Bang, il ne fait pas l'unanimité tout de suite. Il faut un certain temps avant qu'il s'impose dans la communauté des astrophysiciens et des cosmologistes. Oui, tout à fait. Comme on a mentionné le nom de Fred Hoyle, il faut savoir que Fred Hoyle était un grand opposant au modèle du Big Bang. Et alors, il reconnaissait l'expansion. Il ne faut pas identifier que l'expansion, ou considérer que l'idée de l'expansion conduit tout de suite à celle du Big Bang, puisque Fred Hoyle considérait que l'univers était en expansion, mais qu'il n'avait pas de naissance, qu'il n'avait pas d'origine dans le temps. Pour expliquer, il considérait au contraire que l'univers était identique à lui-même au cours du temps, donc à des bien sûr, à des grandes échelles. Alors, pour expliquer que l'univers soit à la fois en expansion et identique à lui-même au cours du temps, il a imaginé qu'il y avait un processus de création de matière permanente. Et ça lui permettait donc de garder une espèce de stationnarité de l'univers. Et cette hypothèse qu'il a développée donc à partir des années 1948 avec d'autres collègues a été quelque part le grand modèle adversaire ou concurrent du modèle du Big Bang. Et pendant près d'une vingtaine d'années, les deux modèles vont être en concurrence et il va falloir attendre les années 1960, même la fin des années 1960, pour que finalement le modèle du Big Bang l'emporte dans la communauté scientifique. Alors justement, la fin des années 60, Jean-Marc Baudet-Bidot, c'est les premières confirmations observationnelles. Exactement, parce qu'il y a eu un petit ironie de l'histoire. Hubble avait mesuré l'expansion, mais il a fait une erreur. Et à l'époque, de cette vitesse d'expansion, on concluait que l'univers avait un âge ridiculement bas de 2 milliards d'années, alors qu'on savait que la Terre avait 4 milliards d'années. Donc ça a créé une confusion sur la validité du modèle. Dès les années 70, on refait ces mesures au grand télescope aux États-Unis de Mont Wilson d'abord et Mont Palomar, et on trouve une valeur qui ramène cette constante de Hubble à un âge de l'univers entre 10 et 20 milliards d'années, et du coup on a un modèle fiable de l'univers qui est à ce moment-là valide dans les années 70. Il y a plusieurs observations qui viennent donc renforcer et confirmer ce modèle. L'observation des galaxies, le décalage vers le rouge qui permet de montrer que les galaxies non seulement s'éloignent mais que plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Et puis un peu plus tard, il va y avoir la découverte du rayonnement du fond diffus cosmologique. C'est cela, effectivement, c'est une découverte marquante parce que c'est celle qui a installé ce scénario du Big Bang sur le devant de la scène, parce que en fait, on a découvert à l'arrière-plan de toutes les galaxies une faible lueur très très froide de 3 degrés au-dessus du zéro absolu que les théories alternatives du Big Bang n'arrivaient pas vraiment à expliquer, tandis que le Big Bang peut l'expliquer en disant c'était la lumière originelle qui était très chaude au départ puis s'est refroidie, on l'observe aujourd'hui dans tout l'univers et c'est donc cette espèce de première lumière de l'univers que on a détecté pour la première fois en 1965 et qui a créé ce basculement en disant mais finalement ça cadre très bien avec le Big Bang, tandis que la théorie alternative de Fred Hoyle ne pouvait pas directement expliquer cette luminosité de fond. Et donc ce modèle du Big Bang se renforce jusqu'à devenir le modèle principal dominant. Il va également se compléter et vous dites dans votre livre Thomas Pelletier que c'est à partir des années 80 que d'un seul coup il y a en quelque sorte que ce modèle recommence à se fragiliser ou que les premières apories problématiques apparaissent. Oui, tout à fait. Alors juste avant, je voudrais revenir un point que vous avez soulevé. Vous avez mentionné un peu l'expansion comme quelque chose qui était un élément important pour confirmer le modèle du Big Bang. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que comme je l'ai dit juste avant, dans le modèle concurrent de Fred Hoyle, l'expansion avait tout à fait sa part. Donc l'expansion n'implique pas du tout le modèle du Big Bang, puisqu'on peut avoir un modèle stationnaire avec une expansion. C'est vraiment d'autres éléments, comme donc le rayonnement diffus qui a été découvert en 65, qui a joué un rôle important, mais aussi d'autres éléments comme la découverte des quasars ou des calculs de nucléosynthèse qui ont fait pencher finalement la communauté scientifique vers le modèle du Big Bang. Alors, pour revenir à votre dernière question, et effectivement, dans notre livre, on date à peu près des années 1980, le début des difficultés. Parce qu'il faut bien comprendre que quand le modèle s'est imposé à la fin des années 60, on a eu pendant une dizaine d'années l'idée, donc des années, au cours des années 70, que puisque les grandes idées, le grand schéma était établi, qu'il allait falloir finalement uniquement préciser les paramètres du Big Bang, donc de l'histoire de l'univers. Il y a même un article célèbre des débuts des années 1970 où un des plus grands astrophysiciens de l'époque considère qu'il y a deux paramètres à déterminer pour connaître l'histoire complète de l'univers, c'est le taux d'expansion et le taux de décélération, puisque à l'époque, dans les années 70, on pensait que forcément que l'expansion allait ralentir. Alors, c'est intéressant, on y viendra tout à l'heure certainement dans la discussion, puisque maintenant nous sommes dans un modèle du Big Bang dont l'expansion est en accélération. Oui. Mais pendant longtemps, un des grands critères pour montrer que le Big Bang était finalement la théorie meilleure que même la théorie concurrente, c'était de montrer que l'univers, l'expansion ralentissait. Vous voyez, c'était le critère pour réfuter même le modèle de Fred Hoyle, puisque Fred Hoyle lui prédisait qu'au contraire, l'expansion accélérait. Et on disait, non, c'est faux, dans le modèle du Big Bang, l'expansion doit ralentir, et donc on va montrer que votre modèle est faux, parce qu'on va montrer que l'univers ralentit. Et alors, ça a été une des grandes idées donc des astrophysiciens dans les années 70, donc de pouvoir déterminer l'histoire complète de l'univers avec deux paramètres, le taux d'expansion et le taux de décélération. Et donc, c'était cette idée générale qu'on allait finalement affiner les paramètres, préciser les mesures et que l'univers serait la connaissance de l'univers serait plus ou moins achevée. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Les choses ont été un peu plus compliquées. Alors, 1980, c'est une date importante. On aurait pu un peu parler même dès le milieu des années 70, les débats sur la matière noire qui apparaissent. Mais à l'époque, ils ont eu une connotation que je dirais astrophysique. On considérait qu'ils jouaient pas forcément un rôle très important au niveau cosmologique. C'est-à-dire qu'ils jouaient un rôle pour la dynamique des galaxies, mais moins pour l'histoire de l'univers. Et puis, petit à petit, de plus en plus, on s'est aperçu que la matière noire devait jouer un rôle dans la dynamique de l'univers. Et puis aussi, au début des années 80, là, comme on en a un peu évoqué au début de l'émission, il y a la problématique de l'inflation qui va apparaître. Donc, c'est à partir de ces années-là que finalement, le modèle simple que les astrophysiciens ou les cosmologistes avaient imaginé, que ce modèle simple va apparaître beaucoup plus compliqué qu'ils ne l'avaient imaginé. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous interrogeons donc ce modèle du Big Bang en compagnie de Jean-Marc Bonnet-Bidot et de Thomas Lepelletier. Thomas Lepelletier vient de l'évoquer, le premier caillou dans la chaussure en quelque sorte, c'est cette question de l'inflation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est exactement que cette théorie de l'inflation, puisque pour le moment ça reste une hypothèse. C'est une théorie. Alors elle a été rendue indispensable par le fait qu'on a constaté que avec cette lumière de fond de l'univers, l'univers à ses débuts était relativement très homogène. Et pour expliquer cette homogénéité, il était impossible de le faire naturellement, puisqu'on a affaire à des régions d'univers qui n'ont pas pu correspondre et qui pourtant ont la même température. Comment ont-elles dit, moi j'ai la température, toi tu peux l'avoir la même? Elles n'ont pas pu correspondre entre elles. Et c'était une contradiction. Alors les physiciens, plutôt du domaine des physiciens des particules, ont imaginé que en amorce de l'expansion que nous connaissons aujourd'hui, s'est effectuée une inflation, c'est-à-dire une expansion hyper rapide, qui a constitué à homogénéiser l'univers, a fait que ces régions ont communiqué, a rendu d'autre part la géométrie plate, ce qui était une des conséquences attendues. Mais en fait, pour donner une image, c'est assez faramineux, c'est-à-dire qu'on est dans une fraction de seconde après le début de l'expansion, et on peut dire qu'une portion d'univers de la taille d'une poussière va presque instantanément acquérir une dimension de 10 millions d'années-lumière, c'est-à-dire beaucoup plus que la dimension entre nous et les premières galaxies. Donc c'est une phase accélérée d'expansion qui n'a rien à voir avec l'expansion qu'on connaîtra par la suite. Et un des problèmes qu'on a eu et dès le départ, c'est d'expliquer d'abord pourquoi, quelle était la source, parce que finalement, dans le Big Bang, la question à laquelle on n'a jamais répondu, c'est d'où vient l'énergie? Donc, c'était une façon de répondre à ça. C'est-à-dire que, pour les physiciens des particules, le début de l'univers se tient dans l'énergie du vide. Alors, pour nous, effectivement, le vide, c'est vide dans la physique ordinaire, mais dans la physique quantique, c'est plein d'un potentiel. Et toute l'énergie est contenue là, et l'expansion accélérée qu'on appelle inflation est due à cette expansion de l'énergie du vide. C'est donc on a comparé ça. Cette l'image est assez intéressante à l'eau quand elle est en surfusion, c'est-à-dire qu'on sait que l'eau pure, qui on descend sa température, normalement elle doit se solidifier, c'est-à-dire changer de phase à 0 degré. Mais si l'eau est très pure, elle peut descendre en dessous, et tout d'un coup avec une petite inhomogénéité, une petite irrégularité, elle va se figer immédiatement. C'est ce que pensent les physiciens des particules à l'heure actuelle. Donc l'énergie du vide serait la source d'énergie initiale. Elle aurait initié cette inflation, et au bout de cette inflation, toute l'énergie se serait coagulée dans la première matière par le même effet que la surfusion de l'eau. Donc c'est une image amusante. D'ailleurs, effectivement, dans le livre, on cite que la surfusion de l'eau est évoquée par Malaparte dans le siège de Leningrad, où les chevaux, ayant traversé l'eau pure du lac en temps très très froid, se sont figés dans la glace, et on voit plus que la tête des chevaux émerger. Bon, c'est ça l'inflation, c'est-à-dire c'est un phénomène physique, évidemment, qui est hypothétique, puisque de l'énergie du vide, nous ne connaissons rien à l'heure actuelle. Elle apparaît effectivement dans certaines conditions, dans les théories d'unification. Et donc, c'est un premier joker qui est utilisé pour le Big Bang pour arriver à répondre à cette homogénéité. Et elle implique en plus, et c'est ça qui a réinséré la matière noire, que l'univers ait une densité assez élevée, beaucoup plus élevée que la densité qu'on observe avec la matière visible, d'où la nécessité dans la cosmologie d'introduire la matière noire. Alors, on reviendra sur la matière noire dans quelques instants. Ce qui est intéressant, puisque l'inflation aujourd'hui fait partie effectivement des hypothèses qui sont relativement partagées par la communauté, parce qu'elle est indispensable pour expliquer ce que vous venez de nous expliquer, Jean-Marc Baudet-Bideau, c'est-à-dire à savoir l'homogénéité du fond diffus cosmologique et la platitude de l'univers. Le problème, et ce que vous dites, Thomas Lepelletier, dans ce livre, c'est que finalement, cette inflation, on en a besoin, elle est nécessaire, et pourtant, elle est quasiment irréfutable. C'est-à-dire que c'est un postulat qu'on ne pourra certainement jamais réfuter. Et donc, ça met évidemment du coup en péril la notion d'une hypothèse scientifique si elle est strictement irréfutable selon les principes énoncés par Karl Popper. Alors, c'est pas nous exactement qui disons qu'elle est irréfutable. On ne porte pas le jugement. Ce qu'on constate et ce qu'on rapporte dans le livre, ce sont des débats au sein de la communauté. Un certain nombre de cosmologistes ont critiqué justement cette théorie de l'inflation parce qu'ils la trouvaient irréfutable. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est très adaptable. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que les modèles d'inflation ou la théorie de l'inflation ne correspondent pas aux observations, on peut modifier les paramètres suffisamment pour que finalement la nouvelle donc théorie de l'inflation corresponde aux observations. Donc, quelle que soit l'observation que les astrophysiciens pourraient faire, il est plus ou moins toujours possible de modifier les paramètres de cette théorie de l'inflation pour qu'elle retombe sur ses pieds. Alors, ça, c'est les débats qui ont eu lieu, c'est pas nous de l'extérieur qui nous sommes permis de dire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est même des débats qui ont été lancés par des pairs de la théorie de l'inflation. Certaines personnes ont lancé la théorie de l'inflation, et puis au bout d'un moment, se sont rendus compte que leur petit bébé, finalement, il ne correspondait pas aux critères de scientificité. Donc ça, ils ont rejeté la théorie de l'inflation, mais bon, l'idée était lancée, et elle a quand même conquis une grande partie de la communauté scientifique. Alors c'est quand même intéressant de savoir, parce que souvent, les débats sur la réfutabilité, il y en a beaucoup dans la société, mais en général, ils servent à éliminer ou à rejeter ce qu'on appelle des théories pseudo-scientifiques, et ils sont en marge de la communauté scientifique. La communauté va rejeter justement ce qui n'est pas scientifique au nom du critère de non-réfutabilité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces débats, ils ont lieu à l'intérieur de la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'entre des chercheurs reconnus, ils sont en train de se battre comme des chiffonniers pour savoir si la théorie de l'inflation est réfutable. Donc, alors, on trouvait ça très intéressant d'en parler, parce que finalement, ça pose, et finalement, ça interroge sur le statut de la scientificité de cette théorie. Jean-Marc Baudet-Bideau, un mot sur l'inflation, parce que malgré effectivement les réserves, ou en tout cas les apories que vous pointez, cette hypothèse de l'inflation, elle est quand même très très communément partagée et assez peu remise en question. Alors est-ce que c'est faute d'avoir un autre modèle ou une autre hypothèse à proposer, ou c'est parce que finalement il y a un consensus sur une forme de robustesse intellectuelle de cette hypothèse? Je crois que parce qu'on n'a pas beaucoup de façons de répondre autrement au problème qu'on a posé de l'homogénéité, mais que chaque physicien est très conscient que c'est une hypothèse, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas même l'idée qu'on puisse la vérifier dans un futur proche. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que, en fait, on a rarement cette situation. Ce qui explique effectivement que c'est tellement peu clair pour les scientifiques eux-mêmes qui l'ont créé qu'ils sont dans une bagarre incessante. Et donc, moi, on a relevé des phrases qui sont absolument impossibles en général d'entendre entre les scientifiques. Vous avez un scientifique qui s'appelle Paul Steinhardt, oui, qui est à Princeton, qui est un des pères de cette théorie de l'inflation. Bien sûr. Bon, qui a d'autres. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, Steinhardt, il postule aussi une hypothèse de l'inflation permanente et des bulles de multivers qui est, pour le coup, qui fait pas du tout l'unanimité. Non, bien qui est, sûr. Qui est très critiquée. Bien sûr. Mais je le citais parce que c'était, on faisait les évocations de ce dialogue musclé entre les scientifiques. Moi, je n'ai jamais vu quelque chose comme ils ont écrit de Steinhardt parlant à Alan Guth, qui était le premier proposant de l'inflation, qu'on a appelé l'inflation classique. Et Steinhardt dit à propos de Guth, l'inflation classique, son idée là de Guth, est un échec catastrophique un des pires échecs dans toute l'histoire des sciences. C'est écrit noir sur blanc dans des articles, si vous voulez. Donc c'est pour vous montrer que, en fait, le débat est très très fort dans les scientifiques à l'heure actuelle. Alors ce qui nous a paru étonnant, c'est qu'on n'en a pas du tout d'écho à l'extérieur. Donc c'était ça notre point, on voulait rendre compte du fait que même l'inflation, qui est un élément primordial de l'univers, est en débat, mais plus qu'on ne peut l'imaginer. Alors l'inflation, c'est l'un des coins que vous mettez, ou en tout cas que vous soulevez, que vous identifiez dans cette théorie, dans ce modèle, parce que c'est un modèle du Big Bang. Vous allez voir qu'il y en a d'autres, on va les examiner, et d'autres qui sont un peu, comme on a tendance à le dire, l'éléphant dans la pièce, puisque vous n'êtes pas sans savoir, vous, chère auditrice et cher auditeur de La Méthode Scientifique, que pour que ce modèle cosmologique standardienne, eh bien nous avons besoin de 95% de matière et d'énergie que l'on ne connaît pas. Words are flying out like endless rain into a paper cup. They sleet while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Vous aurez peut-être reconnu le morceau des Beatles, Across the Universe, ici interprété par Leigh Bash. Nous parlons de l'univers et des origines de l'univers. Nous interrogeons aujourd'hui le modèle du Big Bang en compagnie de Jean-Marc Bonnet-Bideau, astrophysicien au CEA, et Thomas Lepelletier, docteur en astrophysique, chercheur indépendant en histoire, philosophie des sciences et éthique animale, qui sont l'auteur de ce petit essai Big Bang, histoire critique d'une idée publié chez Folio Essai. Alors, on a parlé du problème lié à l'hypothèse de l'inflation. Autre problème, puisque la suite de cette inflation, c'est ce que l'on constate, et c'est donc l'expansion de l'univers, c'est donc la mesure de cette expansion via une constante que l'on appelle la constante de Hubble. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Le problème de cette constante, c'est que précisément elle est assez inconstante, puisque selon la façon dont on la mesure, on obtient deux résultats incompatibles. Oui, c'est ça. La constante de Hubble, pour rappel, hein, c'est la constante en fait qui relie la distance et la vitesse des galaxies dans l'univers observable. On en a besoin pour caractériser cette expansion, mais pour le savoir, eh bien, il faut réussir à mesurer cette constante, sauf que depuis des décennies, on n'y arrive pas. On a pourtant testé des méthodes différentes, en observant soit des étoiles spéciales, comme les céphéides, ou bien en se servant des ondes gravitationnelles, ou encore en scrutant le rayonnement du fond diffus cosmologique. C'est la démarche de Sylvia Galli, qui est cosmologiste, et qui utilise les données du satellite Planck pour comprendre d'où provient l'anomalie, mais comme elle le précise, il faudra encore bien des mesures plus robustes pour espérer sauver ou bien dépasser le modèle. Ce qu'on fait avec la radiation du fond diffus cosmologique, c'est qu'on mesure des paramètres. On a un modèle qui nous permet de savoir comment l'univers a évolué pendant les années. Et à travers ce modèle et les paramètres qu'on mesure, on peut prédire la valeur de la constante de Hubble. Donc vous voyez bien, ce sont deux méthodes, les supernovas et la CMB. Un, c'est direct. L'autre, CMB pour rayonnement diffus cosmologique. Oui. Cosmic Microwave Background. Donc avec les deux mesures, ce sont des mesures en fait de type différent. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il y a une grande différence entre ces deux mesures. Donc pour la CMB, on mesure autour de 67 km par seconde par mégaparsec, alors qu'avec les supernovae, c'est plutôt 73 km par seconde. Ça fait un écart quand même assez énorme. Assez grand, surtout parce que les bandes d'erreur sont petits. C'est ça, l'incertitude est faible pour chacune de ces valeurs. Elle se chevauche pas, en fait. Tout à fait. Et donc, la raison pour laquelle on mesurait cette différence n'était pas due à une erreur instrumentale, disons, donc qu'on avait confiance dans ces deux mesures. Et si donc la dernière possibilité est que vraiment le modèle qu'on utilise pour mesurer ça à partir de la CMB est faux, en fait, ça c'est la chose qu'un scientifique recherche, c'est des défauts dans les modèles actuels pour découvrir quelque chose de nouveau, de la nouvelle physique à laquelle on n'avait pas pensé. Alors comment vous, cosmologiste, vous arrivez à scruter ce fond diffus cosmologique, à en tirer vraiment de l'information pour affiner cette valeur? En fait, l'idée fondamentale, c'est que donc la radiation du fond diffus cosmologique, par exemple, c'est une carte comme ça, où chaque point de cette carte, en fait, ça représente en fait toute la sphère céleste autour de nous. Ça, c'est les observations justement de Planck sur lesquelles j'ai travaillé pour beaucoup de temps. Et chacun de ces points colorés que vous voyez, c'est des points où la température en fait de la lumière qu'on reçoit, de la radiation du fond diffus cosmologique, est un petit peu plus chaud ou un petit peu plus froide. Et ça permet d'avoir une lecture un peu des fluctuations en température et donc en densité. Tout à fait. Bien que les couleurs soient artificielles, c'est un code couleur, quoi. C'est clair, absolument. Ce sont des fluctuations qui sont un petit peu distribuées, disons, aléatoirement, mais avec une distribution qui est gaussienne. Et bon, en mathématiques, on sait qu'une distribution gaussienne, une distribution de probabilité gaussienne, en fait, est caractérisée complètement par sa moyenne et sa déviation standard. Mais cette déviation standard qui nous donne, en fait, l'ampleur de ces fluctuations, si vous voulez, peuvent être mesurées et c'est là, en fait, qu'on a toute l'information cosmologique. Et donc, si vous voulez, la déviation standard de ces fluctuations de température, celle-là en particulier, à différentes échelles. Donc ça, c'est les fluctuations. Ça vous dit simplement quelle est l'ampleur de ces fluctuations. On mesure en quoi, là, du coup, l'unité? L'unité ici, c'est de la température, effectivement. Et ça vous dit, en fait, ça c'est petite, grande échelle, et ça c'est en allant à petite échelle, en fait. Donc, il vous dit, si ces fluctuations, en fait, sont corrélées, ça veut dire que si j'ai un point de cette carte où la température est plus haut, il me dit si à une distance angulaire, je ne sais pas, de 30 degrés, je dois m'attendre aussi que la fluctuation soit d'une température plus élevée, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle une corrélation entre deux points. Et en fait, l'information cosmologique est contenue dans cette corrélation, en fait. La cosmologie introduit ces corrélations entre différents points de température. En nouveau, corrélation, ça veut dire si j'ai une fluctuation froide dans un point, est-ce que dans un autre point, à une distance de 30 degrés, ou 20, ou 10, est-ce que je dois m'attendre à la même fluctuation? Donc ça, ça veut dire corrélation. Effectivement, il y a ces corrélations dans la CMB. Et il y a, par exemple, des échelles typiques. Typiquement, pour la CMB, c'est 1 degré, où on a plus de corrélation entre des points qui sont séparés par 1 degré et qui correspond à ce pic que vous voyez ici. Et en fait, le point fondamental, c'est que ces données, donc en rouge, par exemple, ici, c'est les données de Planck. La forme de cet spectre de puissance, en fait, dépend des paramètres cosmologiques. Donc, vous pouvez ajuster des paramètres cosmologiques, vous l'introduisez dans votre modèle, il vous donne un spectre de puissance et vous pouvez le comparer à des données. Et c'est comme ça qu'en fait, vous pouvez mesurer les paramètres cosmologiques. Vous pouvez, par exemple, trouver les paramètres qui vous donnent le meilleur accord avec les données. Ici, tout le groupe de recherche à l'IAP CMB, c'est de faire ce travail-là à partir des données du télescope du pôle sud, qui va nous donner en fait des mesures de la constante Hubble qui vont être au moins si bien que Planck. Et en combinaison avec Planck, ça va être même deux fois meilleur. Voilà le reportage du jour sur cette constante de Hubble, et c'est effectivement là aussi quelque chose de tout à fait connu dans la communauté astrophysique et que vous pointez dans votre livre, Jean-Marc Bonnet-Bidot. C'est tout de même compliqué d'avoir un modèle d'expansion de l'univers avec deux manières distinctes et deux mesures distinctes de cette même expansion. Bien sûr, c'est une épine vraiment importante dans le modèle. Disons, c'est un petit peu comme si on voulait faire la physique des particules en ayant une incertitude sur la masse du proton, hein, qui serait la base de toute la... Donc l'expansion, la mesure du taux d'expansion, c'est la base de toute la cosmologie moderne. On était bien loin de penser qu'on aurait ce problème-là, parce qu'au fur et à mesure des années, on avait convergé vers une valeur qui était satisfaisante, qui était mesurée à partir des galaxies, et cette valeur discordante qui vient d'une autre analyse complètement différente de cette lumière de fond de l'univers, nous apporte une valeur très très discordante, et surtout cet écart entre les deux valeurs s'est accentué au cours des années. Plus on a voulu raffiner, parce qu'on a pensé à un moment donné c'était des erreurs effectivement dues aux mesures. Donc alors qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit, en fait, moi je pense qu'en tant qu'astronome, je crois véritablement que la mesure faite par les astronomes qui mesurent comme des arpenteurs la distance d'une façon des galaxies et leur vitesse, et les chandelles standards. Les chandelles standards, c'est une méthode assez qui a été faite depuis 50 ans. Hein, donc on a raffiné. Donc elle est très très robuste. En revanche, la méthode qui consiste à déduire les paramètres cosmologiques du fond diffus de la lumière, c'est beaucoup plus compliqué puisque on détermine pas un paramètre, mais au moins 6 paramètres ensemble. Donc si un est mal déterminé, elle va retentir sur l'autre. Donc je pense que là, peut-être que assez probablement, on va trouver qu'effectivement la méthode d'analyse du fond diffus n'est pas effectivement totalement dénuée d'erreurs systématiques. Encore une fois, et pas d'erreurs statistiques. C'est-à-dire qu'on a oublié de tenir compte de quelque chose. Donc, mais c'est quand même effectivement quelque chose qui a alerté la communauté, puisque en fait, finalement, on se dit, mais alors si même ce paramètre essentiel, on n'arrive pas à le déterminer, où va-t-on, quoi, finalement ? Oui, parce que ce qui va, le corollaire également à cette aporie-là de la constante de Hubble, Thomas Le Pelletier, c'est que il a fallu, au fil des années, ajouter au modèle standard de la cosmologie des éléments qui sont des éléments totalement mystérieux, et en l'occurrence pour avoir et pour que l'observation de l'expansion de l'univers corresponde au modèle, eh bien on a besoin d'un élément étrange qu'on appelle l'énergie sombre et qui composerait 66% de l'énergie totale de l'univers. Donc les deux tiers sont cet élément dont on n'a absolument aucune idée aujourd'hui de ce dont il s'agit. Mais ça va même plus loin, parce qu'on a effectivement l'accélération de l'expansion, qui est un élément fondamental maintenant dans le modèle standard, mais on a aussi ce qu'on a un petit peu évoqué, la matière noire, on a aussi évoqué l'inflation. Tout ça, ce sont des éléments qui interviennent, des paramètres qui interviennent dans le modèle standard et qui sont normalement, on doit pouvoir les retrouver dans l'analyse du fond diffus cosmologique. Et ils interviennent tous dans l'interprétation que l'on fait de ce fonds et des mesures qu'on en fait. Et c'est là que ça pose vraiment un problème délicat, comme disait Jean-Marc, puisque la mesure à partir des céphéides, c'est-à-dire à partir des, on va dire, chandelles standards du taux d'expansion est relativement classique. Or, l'interprétation que l'on peut faire du fond diffus cosmologique, donc de la lumière diffuse dans l'univers, lui, finalement, il est beaucoup plus complexe. Et on s'aperçoit qu'on arrive tout en ayant l'impression qu'on a une connaissance de plus en plus parfaite, puisqu'on a les barres d'erreur diminuent. Et les cosmologistes n'ont pas hésité non plus à dire qu'ils étaient arrivés maintenant à un stade de la cosmologie de précision, c'est-à-dire que donc on n'était plus qu'à déterminer la valeur des décimales dans les paramètres. On s'aperçoit qu'on a un écart important, comme ça a été dit. Donc la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que cette interprétation du fond diffus cosmologique ou la façon ou les méthodes d'analyse de ce fond diffus cosmologique sont valables ou pas ? La question doit se poser. Oui, parce que alors donc là il y a cette question de l'énergie noire. On rajoute, puisque abordons-le maintenant, Jean-Marc Bonnemido, l'autre problème et l'autre aporie majeure, c'est ce dont on parle depuis le début de cette émission, à savoir la masse manquante ou la matière noire. On a effectivement, et c'est tout à fait paradoxal et assez vertigineux, il faut bien le dire, un modèle standard de la cosmologie extraordinairement robuste, c'est-à-dire que ce modèle-là, oui, il tient bon, mais pour tenir bon, on a besoin de 95% de matière et d'énergie strictement inconnues et qu'on n'arrive pas à identifier. Bien sûr. Et qu'alors, je vais vous dire tout de suite, moi, en tant que physicien, je ne comprends pas qu'on puisse faire un modèle d'univers alors qu'on ignore 95% de son contenu. Je prendrai un exemple, si vous voulez. On vous donne un livre de 100 pages d'Agatha Christie, hein, et il n'y a que 5 pages imprimées. Donc 5%. Et vous devez reconstituer toute l'intrigue d'Agatha Christie. C'est totalement impossible. Donc je pense qu'on est là dans une espèce de d'extravagance, finalement, dans la méthode scientifique. Au lieu d'un simple scénario dont on montrerait qu'il est très hypothétique, on le présente comme déjà accompli. Alors, c'est amusant de constater comment se sont introduits ces paramètres de matière noire et d'énergie noire. Matière noire, on l'a vu, c'est parce que l'inflation imposait qu'il y ait beaucoup plus de matière dans l'univers que ce qui était observé pour que l'univers soit plat. Bon, première étape... C'est pour l'inflation. Si vous voulez, l'inflation a pour corollaire qu'on a besoin de beaucoup plus de matière. Parce qu'il faut que l'univers soit plat à la densité critique. Mais la matière noire, c'est aussi le constat que... Indépendamment. Que les galaxies, les amas de galaxies, ont une masse manquante, bien sûr, qu'on n'arrive pas à identifier, qu'on enregistre, c'est-à-dire qu'on observe. Si vous remarquez bien, cette masse manquante, elle était déjà existante en 1930 pour les amas de galaxies, en 1970 pour dans la galaxie. On n'en tenait pas compte dans la cosmologie. Et elle est devenue tout d'un coup utile à la cosmologie à cause de cette hypothèse de l'inflation qui nécessitait beaucoup plus de matière. C'est intéressant de reconstituer toutes ces étapes. Elles sont très simples, si vous voulez. On a besoin, à un moment donné, pour que le modèle marche, de réintroduire ça. Et l'expansion... Je vous interromps. Oui, on l'observe tout de même, cette masse manquante. On la quantifie. On arrive... je veux dire, c'est une donnée. Elle existe. Alors non, parce que si elle existait, on en aurait... Non, c'est une hypothèse liée à... Par exemple, si on en observe des conséquences, qui est par exemple que la lumière est déformée dans son chemin. Donc on en déduit qu'il y a un agent. Mais vous le savez bien qu'effectivement, on peut remplacer la matière noire par une modification de la gravité, oui, par exemple. Tout à fait. Hein, et du coup, ça n'est plus du tout la matière noire dont on parle. Bien sûr. Alors... On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Très bien. Voilà maintenant où nous en sommes. Nous avons ce modèle qui est le Big Bang, qui est partagé et qui fait consensus de manière écrasante aujourd'hui dans la communauté scientifique, qui a ses apories que la communauté scientifique et astrophysique connaît et identifie, mais on a rien d'autre sous la main. Donc, qu'est-ce que, en fait, c'est intéressant parce que si l'exercice intellectuel de montrer encore une fois les problèmes structurels qui sont ceux que l'on vient d'évoquer et qui sont tout à fait encore une fois identifiés, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire qu'on attend de découvrir en croisant les doigts une nouvelle physique dans les marges de la relativité générale ou du principe d'équivalence ou dans les futurs grands accélérateurs de particules quand celui du CERN de 100 km sera construit. Qu'est-ce qu'on fait en fait, parce qu'on ne dispose de rien d'autre. Thomas Le Pelletier, peut-être pour commencer là-dessus. Bah, ce qu'il faut faire, c'est chercher, hein, je dirais. Bien sûr. La solution est relativement simple. Il y a beaucoup de choses à chercher. Moi, je dirais, de notre point de vue, à moi et à Jean-Marc, en écrivant ce livre, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est plus au niveau de la présentation, je dirais, presque grand public de la cosmologie qu'on a voulu agir. C'est-à-dire que c'est pas nous qui sommes, comme on le disait dans l'introduction, on n'est pas là en train de venir proposer un nouveau modèle ou à dire aux gens de leur proposer une nouvelle solution. On s'est dit que finalement, vu l'état de la situation, vu les complexités, vu les tensions qu'il y a même au sein même de la communauté, cette même communauté scientifique aurait peut-être intérêt sur un plan pour créer une dynamique, aurait peut-être intérêt à montrer elle-même les tensions, à présenter plus souvent les difficultés. Parce qu'on avait un peu l'impression que les cosmologistes avaient un peu tendance à présenter l'histoire de l'univers et donc l'histoire des théories comme quelque chose d'achevé, de bien défini, et qu'il y avait effectivement, ils reconnaissent souvent dans leur présentation qu'il y a des petits problèmes, qu'il y a des petites tensions, mais toujours en laissant sous-entendre que ces petits problèmes ou ces petites tensions, elles vont se résoudre d'elles-mêmes et elles vont se résoudre au sein du modèle général. Mmh. Et nous, on s'est dit, non, au final, on n'est pas en mesure, personne n'est en mesure de savoir à l'heure actuelle si les tensions, les difficultés vont pouvoir être résolues au sein du modèle général ou si au contraire, il va falloir penser autrement. Mmh. Puisqu'on ne sait pas finalement comment les tensions vont être résolues, autant ouvrir le champ des possibles. Bien sûr. Et c'est ça qu'on a trouvé intéressant de présenter les choses différemment pour créer, je dirais presque une dynamique de recherche, je dirais presque pour les nouvelles générations de chercheurs. Bien sûr, mais néanmoins, il y a aujourd'hui, enfin, personne dans la communauté astrophysique ne prétend dissimuler le fait que on ne connaît ni la matière ni l'énergie noire, qu'il y a effectivement un problème majeur de méconnaissance de 95% des constituants de l'univers, et il y a par ailleurs énormément de personnes qui cherchent, qui travaillent à essayer de faire émerger cette fameuse nouvelle physique que l'on attend, qui permettrait de combler ces apories et de trouver des explications à ces endroits qui sont effectivement des endroits compliqués ou en tout cas qui problématiques. Je pense que vous êtes optimiste parce que c'est vrai que je pense que le Big Bang se présente de façon tellement comme quelque chose qui est juste à vérifier que beaucoup de chercheurs ne pensent même pas devoir ouvrir de nouvelles portes. Si vous croyez vraiment? Ah, je pense réellement. D'ailleurs, effectivement, même dans la perception du modèle, moi j'ai été frappé puisque ma carrière a été longue, j'ai donc vécu ces différentes époques. À un moment donné, en disant mais le Big Bang c'est génial, c'est le plus économique des modèles parce que finalement il a très peu de paramètres, on va tout mesurer, etc. Bien sûr, le principe d'économie est par ailleurs un principe tout à fait légitime dans la méthode et dans la démarche bien scientifique. Bien sûr. Mais c'est justement, il est devenu très coûteux aujourd'hui, oui. Puisque premier joker l'inflation, deuxième joker matière noire, troisième joker énergie noire, il faut peut-être redistribuer les cartes finalement. Oui, mais alors par où on commence, puisque le problème c'est qu'on n'a pas, pour le moment, on n'a pas de modèle concurrent qui tienne. Je pense qu'il faudra donc une découverte majeure qui n'a pas eu lieu justement dans les années qui sont passées. On attendait du LHC et oui. De Planck de nous montrer des anomalies qui auraient révélé immédiatement le chemin dans lequel aller. On n'a pas eu ça, donc ça s'est passé. Pour le moment. Donc notre nouvel pari, c'est le James Webb télescope, oui. Effectivement. Alors parce que ça c'est très important. On fait un modèle l'univers, mais on n'a jamais été regarder le début de l'univers. Bon, donc c'est quand même problématique puisque tout se passe au début. Oui. Alors, c'est difficile de voir avant le fond diffus cosmologique pour des raisons cosmologiques. Non, je dirais pas avant, bien sûr, c'est après. Mm. Après que la lumière soit née, d'une certaine façon, soit découplée. Après les 300 000 ans au début de l'expansion, c'est tout ce qui s'est passé entre 300 000 ans et 500 millions d'années, disons, ou un milliard d'années. Ce qu'on appelle les âges sombres. Dans lequel tout se passe. Mmh. Tout se passe. Les étoiles se forment, les galaxies se forment, les trous noirs se forment, et on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quel ordre même, si vous voulez. On évoquait tout à l'heure dans l'actualité le problème de cette galaxie, effectivement, qui a été trouvée très très tôt. Il y a des choses encore plus extravagantes, c'est-à-dire qu'on citait l'exemple de ces noyaux de galaxies qui contiennent des trous noirs massifs. On a découvert à 600 millions d'années après le début de l'expansion, qui est très très court, un trou noir de 1,6 milliard de fois la masse du Soleil. Soleil. Pour former un tel objet, il faut des centaines de millions d'années. Donc comment est-il là depuis le début ? Est-il là depuis le début, justement ? Alors les gens commencent à travailler sur des hypothèses en se disant, mais la matière noire, finalement, pourrait nous servir. Elle s'effondre différemment de la matière ordinaire. Mmh. C'est l'une des théories, hein, de dire voilà. que c'est les mais, premières mais, galaxies se sont formées. On est en plein bouleversement, d'une certaine façon. On est obligé de remettre en question, en fait, beaucoup plus que ce que ne laisse penser le fait que bon les paramètres peuvent s'ajuster. Donc c'est passionnant et je pense que cette étape du James Webb va être passionnante pour ça. Vous pensez que le James Webb peut être une porte d'entrée vers un nouveau modèle ou enfin on dirait une remise en cause du modèle standard de la cosmologie. Forcément parler on a encore jamais observé cette tranche d'univers. On citait un ou deux exemples, c'est comme le sommet d'un iceberg, mais là on va voir tout l'iceberg si vous voulez. On va se dérouler devant nous toute cette séquence. Alors pas au plus près, hein, on sera encore entre 200 millions, 600 millions d'années, mais on va voir émerger les galaxies, peut-être les étoiles, mais là ça sera plus difficile et surtout ces fameux trous noirs dont on a par ailleurs trouver l'existence par ces ondes gravitationnelles qui ont aussi révolutionné la physique récemment. Bien sûr. Thomas Lepelletier, vous partagez l'optimisme ou l'enthousiasme de Jean-Marc Bonabido vis-à-vis du James Webb Space Telescope qui pourrait, bien comme on l'a attendu effectivement, comme le disait Jean-Marc, du satellite Planck ou du LHC, être enfin la porte vers une complétude ou en tout cas une modification, un amendement de ce modèle standard de la cosmologie ? Je suis un petit peu moins optimiste. C'est une étape fondamentale. Mais la question est, est-ce que ça va nous permettre de résoudre les problèmes ? Est-ce que ça va nous permettre de clarifier des situations ? Ou est-ce que ça va, au contraire, nous entraîner dans des difficultés conceptuelles encore plus grandes ? Je ne sais pas. On avait beaucoup d'espoir après, avec le LHC, l'accélérateur de particules. On s'est dit qu'on allait découvrir plein de choses ou, au contraire, montrer qu'il y avait plein de choses qui ne marchaient pas. On a découvert le boson de Higgs, quand même, ce qui n'est pas rien. On a complété le modèle standard de la physique des particules, ce qui n'est pas tout à fait. Les spécialistes attendaient un peu plus quelque part. Il y a eu une petite déception dans la communauté. Là, cet instrument magnifique n'a pas apporté autant qu'on espérait. Et donc, c'est toujours difficile de se prononcer à l'avance. Et moi, j'ai tendance à être prudent. Donc, je dirais, il est normal d'avoir beaucoup d'espoir parce qu'il peut apporter beaucoup de choses. Donc, le télescope James Webb. En même temps, on ne sait pas justement. Il sera peut-être décevant. Peut-être que il va rendre le schéma tout aussi compliqué ou même plus compliqué. Donc, attendons. Mais c'est vraiment une étape. Je dirais, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans tous les cas, il faut vraiment attendre ces résultats pour se positionner, sur la validité, bien sûr, du modèle du Big Bang, pour voir vraiment s'il tient bien sur ses pieds. Le James Webb, alors là, on va avoir les premières images normalement d'ici le mois de juin, et on vous en évidemment reparlera dans la méthode scientifique. Quels sont les autres équipements qui, selon vous, pourraient permettre de compléter ou d'amender ce modèle ? Je pense au FCC, donc le futur LHC de 200 km qui va permettre de monter à des niveaux d'énergie de collision de particules que le LHC ne permet pas aujourd'hui. Je pense aussi à LISA peut-être. LISA qui est cet interféromètre spatial qui doit mesurer les ondes gravitationnelles donc depuis des points en orbite de Lagrange d'ailleurs, je crois que ce sera au point de Lagrange, et qui permettra d'avoir une finesse et dont on espère qu'il puisse même capter les ondes gravitationnelles primordiales, c'est-à-dire celles précisément du Big Bang. Bien sûr, je pense que effectivement les ondes gravitationnelles, c'est vraiment ce qu'on appelle toujours une nouvelle fenêtre sur l'univers. Mmh. C'est totalement différent de la lumière, totalement différent des particules. Et on a eu d'ailleurs une surprise extraordinaire, c'est-à-dire que les premiers objets qui ont été trouvés par ces détecteurs d'ondes gravitationnelles n'étaient absolument pas prévus. C'était des trous noirs de 10, 20, 30 fois la masse du Soleil. On ne sait pas former ces trous noirs aujourd'hui. Donc vous voyez, toutes ces réponses nouvelles, LISA évidemment va faire un panorama beaucoup plus complet. C'est une nouvelle fenêtre, donc on aura forcément des nouveaux résultats. Eh bien, c'est une ère excitante, en tout cas, que ces futurs résultats. Alors, LISA et le FCC, c'est pas pour tout de suite, mais le James Webb, ça va arriver très vite. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus nous parler de ce petit livre passionnant, Big Bang, histoire critique d'une idée chez Folio Essai. Merci Jean-Marc Bonabido, merci Thomas Lepelletier d'avoir été avec nous. La méthode scientifique, c'est Natacha Triou, Céline Lozen, Minaguet Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Maya Dabesh à la réalisation, Jacques Hubert à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur franceculture.fr. Et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, si tant est qu'il y ait une fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.